Studec Web. Studec Web, il est 17h. Le Flash est présenté par Cyranoush Kalatian. Bonjour Cyranoush. Bonjour mes... Studec Web, les infos. Bonjour Mehdi, bonsoir à tous. Aujourd'hui dans l'actualité, un professeur sur deux d'après le syndicat FSU et 11,33% selon le ministère sont mobilisés. Les fonctionnaires de l'éducation nationale ont appelé à la grève depuis ce matin. La cause, ils dénoncent les suppressions de postes. Demain à l'Assemblée nationale, le budget 2019 sera traité, dont l'éducation nationale. Il prévoit de supprimer 2550 postes dans les collèges et lycées publics, 550 dans le privé et 400 dans l'administration. Les syndicats des fédérations FSU, CFDT et UNSA réclament l'annulation de ces suppressions de postes. Les manifestations ont débuté ce matin. Ils étaient plus de 1000 enseignants à Rennes selon les syndicats ou encore plus de 100 à Calais dans les Hauts-de-France. À Paris, le cortège a débuté à 14h pour allier le ministère. Ce matin aussi, les ministres se sont réunis à Matignon pour établir les mesures d'accompagnement de la hausse des prix du carburant. L'objectif du Premier ministre Édouard Philippe, calmer la colère des Gilets jaunes qui ont prévu de se mobiliser le samedi 17 novembre. Le gouvernement dit assumer et pointe la hausse en évoquant la piste d'une aide en faveur des plus modestes. Les décisions devraient être officialisées au plus tard d'ici mercredi, jour de conseil des ministres. À partir de juillet 2019, les véhicules diesel immatriculés avant 2001 seront interdits à l'intérieur du périmètre A86. Les élus du Grand Paris ont voté ce matin. Plus de 700 000 véhicules sont concernés. La Californie continue malheureusement de brûler. Le bilan est extrêmement lourd. Plus de 6 000 maisons détruites et déjà 31 morts. Plus de 8 000 pompiers fédéraux sont sur place. Les autorités appellent à la prudence. Dans le volet sport à présent, la route du Rhum a pris fin. L'incroyable victoire du Français Francis Joyon sur la route du Rhum. Le skipper a finalement rattrapé François Gabart qui était en tête jusque dans les dernières heures. La victoire a été très serrée depuis 1990, sa première participation à la course. Francis Joyon n'avait jamais réussi à s'imposer. La course est arrivée à terme au bout de 7 jours, 14h et 21 minutes. Quant au foot à présent, les joueurs de l'équipe de France Paul Pogba et Anthony Martial sont forfaits pour blessure. Coup dur pour les deux joueurs qui devaient jouer vendredi contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Les remplaçants Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. Du côté de la météo, journée morose sur une bonne partie de la France. Des averses un peu partout. Attention aux risques d'orages qui sont à prévoir en Bretagne et en Normandie. Entre les Pays de Loire et les Hauts-de-France, en revanche, les pluies vont devenir plus rares. Des Alpes à la Corse, le ciel sera très nuageux, mais sans pluie. Les températures en moyenne en cette fin d'après-midi de 12 à 17 degrés. Il fera 11 à Nantes, 12 à Paris, 10 à Angers et 17 à Montpellier. Passez une bonne journée sur Studec Web. Merci Cyranoush Kalatian, prochain point sur l'info à 17h20. Studec Web. Une radio des hits. Studec. Du kiff. Studec Web. À 17h03, merci d'avoir choisi sur Studec Web, pardon. Vous bougez pas, on passe l'heure ensemble avec toute l'équipe du GPS, le grand Prime Studec. Où ça ? Sur Studec Web, bien sûr. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent ? Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête ? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi ? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, pour Roule dans le GPS sur Studec Web. Bienvenue dans le Grand Prime Studec, aka le GPS sur Studec Web, une émission basée sur un doux mélange de bonne humeur et de référence aux voitures. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais surtout une émission faite pour vous qui rentrez tous les soirs du travail ou même de course, vous nous écoutez en rentrant de l'université par exemple. On n'a qu'une mission, nous ici tous les soirs, c'est de vous raccompagner chez vous. Je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas non plus obligé d'arrêter de nous écouter quand vous arrivez chez vous, bien évidemment. Pour accomplir cette mission, Studec Web a recruté ce qui se faisait de mieux. La crème de la crème, puisque Baptiste et Bill, elles sont avec moi. Hello Steph, hello tout le monde. Comment ça va les gars ? Ah, ça va très bien. Ah bah la crème, je sais pas, on verra, je commence à me réveiller là, 17h04. Ok, on n'est pas que 3, et ouais, je le dis tout le temps, 1 c'est bien, 2 c'est mieux, 3 c'est comme ça, 4, je n'ai plus de rime, mais peu importe, puisque Quentin est aussi là. Comment ça va Quentin ? Bonjour Steph, bonjour à tous, ça va très bien. Quentin, t'es un peu l'envoyé de la rédaction de Studec Web, tu vas nous accompagner pendant toute l'heure, on ira faire un tour avec toi du côté des infos les plus saugrenues de notre jolie planète. ça se passera dans le 24h sur la planète. Et on va même jouer ensemble, ça se passera en fin d'émission dans le quiz de l'intersection. Je vous ai préparé un joli petit quiz, les gars, vous allez voir. Les gars, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait à part vous pointer il y a 20 minutes là ? Eh ben, on a bossé. D'ailleurs, j'ai une petite info. D'ici une demi-heure, j'ai fait le salon du salon ce week-end. Là. Alors, j'ai quelques bons plans, des cadeaux notamment à offrir à vos pires ennemis, voire à votre belle-mère, hein, si vous la kiffez pas trop. Et puis, d'ici quelques minutes, j'ai un mini coup de gueule, hein, encore. La colère de Monsieur Mélenchon, toujours, contre les chanteurs anglophones. C'est pas content. Bilal, qu'est-ce que tu as prévu ? Bah écoute, moi j'ai fait le tour des brocantes et j'ai décoté quelques petits vinyles là, intéressants dont je vais parler après. Ne nous en dis pas plus. Moi aussi les gars, j'ai bossé puisque j'ai sélectionné ce qui se faisait de mieux sur Sud Equip, puisqu'on écoutera ça. Ça s'appelle Sofia d'Alvaro Soler, ça vient d'Espagne les gars, c'est sorti en 2016 et ça fonctionne toujours. La vivement preuve. L'été hein. Il y aura aussi ça. On ira où tu voudras. Nola, ça s'appelle On y va, nouveauté Studec qu'on aura le plaisir de découvrir ensemble dans la demi-heure qui arrive. Mais que serait une belle émission sans jeu, les amis ? Heureusement pour vous, ici on a le jeu de la marche arrière et c'est Bilal qui est au volant. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. On va encore me coûter une blinde encore aussi à cette histoire. Bilal, je crois que tu as le premier indice pour nous et pour nos auditeurs surtout. Bah écoute, oui, je vais d'abord rappeler les règles. Hein, le jeu de la marche arrière, c'est très simple. Vous aurez 4 indices, 2 lus et 2 sonores qui vont essayer de vous faire deviner une année. Si vous pensez avoir trouvé l'année, c'est très simple. Vous nous envoyez un message au Facebook de l'émission GPS avec votre nom, prénom et le numéro de téléphone et un auditeur sera tiré au sort en fin d'émission. N'oubliez pas votre prénom surtout. Ouais, surtout. On le dit tout le temps. Et donc le premier indice, c'était ça. Oh non, pas ça. Oh non. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ça touche le cœur directement. Ouais, voilà. Donc si vous pensez avoir deviné l'année, n'hésitez pas à envoyer un message au Facebook de l'émission avec votre prénom, nom et numéro de téléphone. Merci à toi, Bilal, bah, écoute, pour ces explications. Rendez-vous à quelle heure pour le prochain indice ? Dans 10 minutes. Oh, allez, on fait ça. Dans 10 minutes. Bilal qui a mis ses petites lunettes, il a un bon flow aujourd'hui. Ah, il est bon. Venez nous regarder, je vous dirai tout à l'heure comment faire pour venir voir nos jolis visages. En attendant, on va continuer, on va commencer même la soirée en musique avec l'hymne de la victoire française. Ça vient tout droit d'Orléans et je vote clairement pour que ce soit la première musique qu'on écoute à chaque début d'émission. VG Dream, ramenez la coupe à la maison, vous êtes sur Studec Web, bienvenue. Cassez les manches comme Samuel M.T.I.T. Cassez les manches comme Samuel M.T.I.T. Cassez les manches comme Samuel M.T.I.T. Cassez les manches comme Samuel M.T.I.T. Et s'il y a drame, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a drame, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. jour, nuit, jour, nuit. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière? Voilà, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Tidec Web. À 17h11, yes. Vous êtes dans le GPS sur Sudek Web. L'heure pour moi de laisser la parole à celui qui a passé son week-end à donner des conférences en anglais à des collégiens qui étaient juste là pour apprendre leur verbe irrégulier. C'est pas notre spécialiste qui nous éclaire aujourd'hui sur un phénomène musical plutôt étrange. Ouais. Ça se passe dans le plan phare. Oh yes, indeed. On éteint les feux de croisement, on passe en plein phare et ça tombe bien, je viens juste de changer les ampoules. Aujourd'hui, focus musical, j'ai un mini coup de gueule à passer contre les anglo-saxons. Eh ouais. Bon, en vérité, c'est plutôt de la jalousie. Comment expliquez-vous qu'avec des paroles stupides, teubées, voire complètement pourries, et trois mots de vocabulaire, ils arrivent à nous pondre des tubes à tous les coups? Je ne sais pas, mais ils ont une recette. Ils sont incroyables, ils ont un truc. Alors, la preuve en musique, j'ai passé au scanner quelques chansons. Un exemple, hein, soyez indulgents, je vais chanter. Oh là là, je m'attends tellement à... Tout le monde se bouche les oreilles. À vous de retrouver l'original, les gars. Écoutez bien. Yo, je vais te dire ce que je veux vraiment. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment. Je veux vraiment. J'ai reconnu. Vous avez retrouvé le son derrière cette traduction? I want... Quentin? Je pense, je suis pas sûr. La réponse en musique. Ah oui, oui. Oh yeah, oh, yeah. Ah, ça sonne mieux in English, hein, n'est-ce pas? Ouais. Évidemment. 10 millions, c'est le nombre de singles vendus des Spice Girls avec Wannabe. Et attendez, j'ai encore mieux. Écoutez, je vais rechanter derrière. Prochaine musique. J'ai le sentiment qu'on va passer une bonne journée, qu'on va passer une bonne soirée, qu'on va passer une bonne soirée, x 3. Verdict? J'ai l'impression que ça pourrait être n'importe quelle musique. Clairement. Alors? Franchement, aucune idée. La réponse? J'étais sur du truc comme ça. Dans ma tête, j'avais LMFAO. Vous l'aviez, hein, les gars. Elle est loin, ton interprétation. Eh oui. Eh oui, Got a Feeling, David Guetta et Black Eyed Peas, tout cela réalisé avec deux notes de solfège et des paroles philosophiques. Ah non, on va attendre pour le lavabo. 1 500 000 singles vendus pour le featuring Black Eyed Peas, Guetta. Je vous rassure, en France, on sait faire aussi des musiques un peu bébêtes. La preuve. Ça, j'ai l'impression que c'est les anciennes générations qui nous disent aujourd'hui, vos musiques, elles sont pas très recherchées, dis donc. Ça en fait du lavabo, hein. J'ai compté, il dit plus d'une centaine de fois le mot lavabo. C'est bien sûr Vincent Lagaffe avec sa parodie de Bol au lavabo. Et ouais, nous on rigole pas avec la langue de Molière, hein, les amis. Carton de vente à l'époque, 1990, dernière parodie de chanson niaise, plus récente avec les Nous c'est nous extraits, s'il vous plaît. Feu, ça brûle. Ah, c'est de là qu'on vient William Sorin, du coup. Ouais. Alors, parodie à l'époque des boys bands, c'est les Nous c'est nous avec entre autres Jean Dujardin, hein, qui a fait un petit bout de chemin depuis ce temps-là. Moralité, les gars, puisqu'il en faut bien une. Nous aussi, on sait faire de la musique, mais nous, on se prend pas au sérieux. Waouh, c'est ça la différence. Merci à toi, mon bat. De l'autre côté de la table, pardon, il y a celui qui passe ses week-ends à faire toutes les brocantes pour pouvoir nous dégoter la perle rare en matière de vinyle. Ça se passe dans le Vinyl Story de Bilal et je crois que tu nous as encore trouvé un classique. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. À toi, mon vieux. Ah ouais. Il est timide. Non, mais je voulais entendre la belle voix de Steph. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension dans ce moment. Il y a un petit truc entre nous. Donc, pour ceux qui l'auraient compris, hein, je vais vous parler de Leshan Parrish Crooks. Je préfère mon accent, hein, perso. Alias Tupac Shakur. Il y en a un qui fait pas des confs en anglais tous les week-ends ici. Moi, j'ai encore le niveau Adibou. Il est né à Brooklyn, à New York, le 16 juin 1971, d'une mère Black Panther, le mouvement révolutionnaire afro-américain. Ce qui est déjà en soi un gros symbole. Hein. Ouais, ça qu'aux États-Unis, il est vraiment respecté. C'est aussi elle qui lui a donné le surnom de Tupac Amaru Shakur en hommage au révolutionnaire chilien. Okay. Tupac Amaru qui vient du serpent brillant et Shakur reconnaissant à Dieu. Il aurait une enfance difficile, hein, passant de foyer à foyer. Et, il intègre une école des arts à 17 ans. Il commence sa carrière de rappeur et après avoir été repéré par des producteurs, il sortira son premier album solo, Tupac Lips Now, avec le titre Brandy Got the Baby, un extrait. resist the temptation. Brenda got herself a boy. Brent, her boyfriend was a cousin. Now let's rock the joy. And she okay, tried ouais. to hide a pregnancy from a family. C'est bon ça. Ouais, entre deux, il jouera dans le film Juice, qui sera un énorme succès où il donnera notamment la réplique à Janet Jackson. Hein. Après, voilà, j'ai parlé de ses origines et de ses débuts dans la musique et le cinéma. Maintenant, j'ai un peu plus m'orienter sur son côté un peu sombre, hein, parce que voilà, il n'était pas non plus un enfant de cœur, ce Tupac. Et son image, il a été sali parce qu'il a été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle et notamment, il a eu des beefs et des clashs avec le rappeur Biggie. Okay. Notorious B. Ouais, voilà. Dont on parlera peut-être dans un prochain vinyle. Et il a fait d'ailleurs un son clash. Hein. C'est lui un peu qui a inventé les clashs dans le rap. Voilà, écoutez. I'm a self-made millionaire. Thug living out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house. Now it's all about Versace. Après avoir vécu à New York, il a aussi vécu en Californie. Ouais, ça, c'est pour ça qu'on le connaît. Ouais. Il a dit même qu'il est tombé amoureux de cet état. Et il en a même fait un son. Écoutez. C'est d'ailleurs la musique qu'on va écouter, je crois, celle que tu as choisie pour illustrer ton vinyle story, une musique écrite pour exprimer son amour à la côte ouest, comme tu l'as dit. C'est sorti pendant mon année de naissance. En voilà un autre indice. Hein, si vous me cherchez, j'ai pas de page Wikipédia, désolé. California Love de Tupac sur Studek Web, bienvenue. Sur Studek Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez Studek Web. Studek, la web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studek Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studek Web. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute Studek Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein, mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Archlosberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineau. Et vous êtes sur Studek Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studek Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studek Web. 17h20 tout pile l'information, ça se passe avec vous Marine Rodin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce lundi 12 novembre, près de 10% des personnels de l'éducation nationale sont en grève aujourd'hui selon le ministère. Les syndicats estiment quant à eux le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et à la moitié dans les lycées et collèges. Les grévistes luttent contre les 2600 suppressions de postes prévues dans le budget 2019 qui sera présenté demain. Des manifestations ont également eu lieu, notamment en ce moment même à Paris. La métropole du Grand Paris vient de voter à l'instant l'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants sur l'A86 dès juillet 2019. Et puisque l'on parle de carburant, une réunion de travail s'est tenue ce matin à Matignon autour d'Édouard Philippe pour finaliser les mesures visant à réduire la hausse de la facture pour les automobilistes. Le gouvernement cherche une issue rapide pour sortir de la crise des carburants, dont l'apogée sera la journée de protestation des Gilets jaunes, ce samedi à Paris. Et dans toute la France d'ailleurs. La cour d'assises de Corrèze juge à partir d'aujourd'hui la mère de Serena, le bébé dit du coffre, caché aux yeux de tous pendant près de 2 ans. Le 25 octobre 2013, Serena a été découverte dans le coffre du véhicule de sa mère. La petite fille, alors âgée de 2 ans, était dans un état de santé précaire. Au moins 29 morts dans les incendies qui ravagent la Californie depuis plusieurs jours. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Ces feux terribles font de cet incendie le plus meurtrier depuis 1933. On se détend maintenant du côté du sport pour célébrer une victoire. En effet, la 11e édition de la Route de Rome s'est terminée cette nuit. Francis Joyon, alors âgé de 62 ans, a savouré sa première victoire. Il a terminé sa course en un temps record de 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Cette victoire s'est jouée sur le fil puisque seulement 7 minutes et 8 secondes le séparent du second François Gabart. Enfin, côté foot, c'est tendu. La Fédération française de football a annoncé les forfaits de Paul Pogba et Anthony Martial suite à des blessures pour le match contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des Nations. Ils sont remplacés par les milieux de Tottenham Moussa Sissoko. L'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette devait aussi être remplaçant, mais on vient d'apprendre d'après l'AFP qu'il a également été forfait. Enfin, du côté de la météo, ce soir, le temps reste doux mais pluvieux. Demain, le ciel sera encore très nuageux et marqué par des pluies sur le sud du pays. Les maximales seront bien au-dessus des valeurs de saison. Elles varieront entre 11 et 17. Il fera 12 à Paris, 14 à Nantes et 18 à Marseille. Je vous laisse avec Stéphane et son équipe pour le GPS sur StudecWeb. Merci Marine Rondon. Studec, l'infotrafic. On en profite pour jeter un œil sur l'état des routes. Ça se passe avec toi, Quentin ? Oui, bah écoute, pour le moment, on recense 2 accidents sur l'ensemble de l'Île-de-France. Un premier sur la 104 sur le périphérique intérieur de Torcy vers Collégian. Un véhicule léger est impliqué, tout comme 2 poids lourds. Attention, les 2 voies de droite sont fermées, également la bande d'arrêt d'urgence. Et puis un autre accident sur la N104 intérieure vers Évry. Alors sur les 2 voies, il y a une voie qui est fermée, c'est celle de droite, et il y a aussi la bande d'arrêt d'urgence. Côté panne, là ici on a 3 véhicules, donc un poids lourd qui est en panne sur la N118 en direction de la province, de Orsay vers les Ulis sur la N446, c'est l'intersection, et il y a également une voie fermée et une bande d'arrêt d'urgence. Il y a également aussi en direction de Aulnay, c'est l'intersection entre la 1 et la 3, un poids lourd est en panne en direction de Paris. Un véhicule léger également sur la 86 extérieure de Bobigny vers Bobigny, c'est l'embrochure entre la N186 et la D40. Et puis attention, il y a de gros ralentissements sur la 6B du côté de la Porte d'Italie vers le périphérique intérieur. Et également sur le périphérique intérieur-extérieur entre la Porte Maillot et la Porte de la Chapelle. Faites attention, on revient dans 10 minutes pour un nouveau point. Merci Quentin, vous bougez pas, je crois que le GPS continue. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur StudecWeb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. 17h24, vous êtes branchés dans le GPS sur StudecWeb. L'occasion pour moi de venir vous inviter à réagir à l'émission si vous le souhaitez sur le hashtag @StudecWeb. Exactement, ouais, voilà, Steph, voilà, on est partout. On est sur Twitter, on est sur Instagram si vous voulez jouer. Sur au Snap jeu. Aussi. Ah, sur Snapchat aussi, c'est important ça. On est un si peu vous... dans votre quotidien en fait. Ouais, voilà. Dans c'est votre vrai. Salon, dans votre C'est cuisine. L'objectif, mon bateau. Si vous voulez venir jouer avec nous, ça se passe dans les messages de la page Facebook StudecWeb. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je crois, Bilal, tu as un nouvel indice à nous donner, n'est-ce pas ? Oui, d'abord, je vous rappelle les règles. Hein, voilà, c'est toujours aussi simple que tout à l'heure. Hein. 4 indices, 2 lus, 2 sonores qui vont essayer de vous faire deviner une année. Si vous pensez avoir trouvé l'année, c'est très simple. Vous nous envoyez un message sur le Facebook de l'émission GPS, comme l'a dit Stéphane bien avant moi. Et donc, on va rappeler le premier indice. Hein. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est culte. Ah ouais. C'est culte et c'est triste. T'as une idée, Thomas, tu nous fais ça. Non, j'ai aucune idée, non. Le deuxième indice, le 21 mars de cette année-là a été créé Twitter, une application qu'aujourd'hui utilisée par des millions de personnes, dont vous peut-être, qui intervenez avec nous, avec l'émission. Voilà. Ah ouais, ok, ça marche. Voilà. Écoute, Bilal, vous nous appelez pendant qu'on écoute Alvaro Soler. Plus de 500 millions de vues sur YouTube. Vous vous rendez compte, les gars, ce que ça fait ? Ouais. Ça vient, ça en fait des 20 beaux chiffres. Et ouais. Et ça s'appelle Sofia sur StudecWeb. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció. 17h28 sur Studek Web, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On est dans le GPS, on débute la soirée ensemble de 17h à 18h. Et vous êtes déjà pas mal à être venu réagir sur Twitter sur le hashtag GPS. Il y a Héloïse qui nous dit la réponse du jeu c'est minimum 1985. Eh non. C'est pas ça? Avant, ah bah, après. Je ne dis rien. Ah bah si, c'est je minimum. Ne dis rien. C'est forcément minimum, après. C'est vrai. Ouais. Si vous aussi, comme Amélie, rien, les amis, vous pensez avoir reconnu l'année dans laquelle Bilal veut nous ramener, ça se passe en DM sur la page Facebook Studek Web. Vous nous glissez votre numéro avec votre prénom et on vous rappelle @studekweb sur Instagram. Aussi, ça fonctionne pareil. Dernière info, sachez que vous pouvez venir aussi voir nos jolies têtes. Ça se passe en direct sur www.studioecoledefrance.com. Et si vous aussi, comme Donatien, vous avez envie d'écouter de la musique et que de la musique, c'est ce qu'il nous disait sur le @GPS. Ah là là. Je n'ai qu'une chose à vous dire, 15h30, 16h, ça se passe avec Nathan. Nathan, c'est un peu le maestro de cette radio, celui qui a les meilleures anecdotes musicales. L'alchimiste. Exactement, c'est celui qui va pouvoir le mieux vous conseiller sur quoi rajouter dans votre playlist. 15h30, 16h, tous les jours sur Studek Web. Studek, l'infotrafic. 17h30, on parle de voitures, c'est la transition parfaite pour aller refaire un point sur les routes avec toi, Quentin. Oui, bah écoute, il n'y a pas vraiment de changement. Pour l'instant, on est toujours sur deux accidents recensés. Sur la 104 intérieure de Torcy à Collégian, un véhicule léger impliqué et deux poids lourds, on le rappelle. Hein, les deux voies de droite sont fermées pour l'instant. Ça va mieux un petit peu. Par contre, du côté de Évry, on est en train de dégager les voies. Les La voie droite est toujours fermée, mais voilà, pour bientôt, la circulation reviendra à la normale. Et toujours 3 véhicules en panne sur la 86 extérieure sur l'échangeur de Bobigny entre la N186 et la D40. Sur la 3 vers la 1 en direction de Paris également, un poids lourd en panne, faites attention. Et puis de Orsay vers les Ulis sur la N118 en direction de la province, il y a également un poids lourd en panne. Pour l'instant, la situation n'a pas changé. Et attention, sur la porte d'Orléans et la porte de Saint-Cloud, la circulation est très compliquée. Il y a 14 minutes au lieu de 6 minutes de trafic, logiquement. Okay. Donc, faire attention, prenez du temps et vous pressez pas surtout. Et on revient tout à l'heure. Ça, c'est vrai, c'est le bon conseil. Merci à toi, Quentin. Faites attention sur les routes, on ne vous répétera jamais assez quand il pleut, surtout comme ça. Et puis, l'avantage avec ce conseil, c'est que ça fonctionne aussi quand il fait beau. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, pour Roule dans le GPS sur Studek Web. Vous êtes dans le GPS, merci de nous avoir choisis. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on débute la soirée ensemble, 17h-18h, ici sur Studek Web. Et restez avec nous, puisque Baptiste est allé dénicher 2-3 trucs dans sa boîte à gants. Je crois que tu nous parles de 100% made in France. Je suis ton homme, Steph. Là, je suis en train de décoincer la boîte à gants, si elle est un peu grippée. Si vous avez de l'anti-grippant, d'ailleurs, je prends. Donc j'ai 2-3 petits bons plans, ça va vous plaire. Ah bah écoute, tant mieux, on va jouer ensemble aussi tout à l'heure, puisque j'ai prévu un petit quiz pour vous l'équipe. On verra lequel de Baptiste, Bilal et Quentin est le plus vif sur le buzzer. C'est pas truqué. Je veux de la vivacité les amis. Toujours. Vivacité, c'est moi. On continuera aussi à prendre des nouvelles des infos. Quentin, tu nous présenteras les histoires les plus incroyables autour du globe dans le 24 heures sur la planète. Il y aura aussi de la musique. Et bah écoute, on attend ça avec impatience, il y aura de la musique bien évidemment, puisqu'on écoutera ça. On ira où tu voudras. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est la toute nouveauté Studek Web. On aura le plaisir de découvrir ça ensemble tout à l'heure. Il y aura aussi ça. Ça, je ne pense pas avoir l'honneur de vous le présenter, les amis. Ça s'appelle Wake Me Up Before You Go, issu de 1984. Ouais, c'est ce bon vieux George qui est là-haut. Là-haut. En attendant de pouvoir écouter ça, Bilal, tu nous refais un point sur le jeu avec notamment, je crois, un nouvel indice. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. On va encore me coûter une blinde au carrossier. Je m'en lasse pas. Hein. Moi non plus. Comme je le disais, hein, les règles du jeu, je les répète chaque fois, à chaque indice. Dino donc Miller. 4 indices, 2 lus, 2 sonores. Là, on est au 3ème. On va aussi rappeler les anciens indices pour ceux qui n'étaient pas là avant nous. Oh non. Premier indice. Oh non, pas ça. Quand est-ce qu'on... Pas aujourd'hui, combien de fois est-ce qu'on va devoir écouter ça? C'est une torture. Ah ouais, là, tu m'en mets un couteau à chaque fois, un poignard. Le Pourquoi deuxième Bilal indice, c'est le 21 Pourquoi mars de cette année-là, a été créé Twitter, une application aujourd'hui utilisée par des millions de personnes, dont vous, nos auditeurs. Et le troisième, il est un peu plus glauque. Ok. Vraiment glauque, quand même. Ça convient. C'est le 30 décembre de cette année-là, il y a eu la pendaison de Saddam Hussein. Hein. Ah, c'est joyeux. Ah, voilà. Donc, ok, mais c'est un événement comme un événement, autre. C'est un événement marquant de cette année. Tu as bien fait ton travail. Oui. Puis, écoute, exactement. Je suis investigateur comme... Quentin. Exactement. Merci à toi, Bilal. Web. Une radio DDDDI. Studek du Kiki. Studek Web. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studek Web. Ah, le bruitage de Zelda, on le prend celui-là. 17h35, tout pile sur Studek Web. Bat, entre deux conférences musicales, il t'arrive aussi d'arpenter les salons, si je ne m'abuse. Et là, je vous parle pas de rester dans le canapé le dimanche après avec une bière à la main. Bat, lui, il est carrément parti au salon du Made in France. Ça se passait à Porte de Versailles. Ça se finit aujourd'hui, d'ailleurs, je crois. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Il est revenu avec quelques bons plans shopping. Ah bah oui, Stéphane, il pleuvait hier. Donc, au contraire de Marie, c'est Paris qui m'a tout pris. Vous avez la ref? Ouais. Je crois que je l'ai. Ok, bon bah super. Paris m'a pris mon compte en banque avec ses loyers, mes poumons avec sa pollution, mon temps libre avec ses transports. Et hier, dimanche, j'ai quand même pu me libérer quelques heures et choper mes places gratos pour le salon Made in France au Parc Expo, Porte de Versailles. Et j'ai fait quelques emplettes. Made in France, j'allais dire. Il avait prévenu. Bon, les gars, tout le monde, vous le savez, j'ai une conscience professionnelle. Alors, j'ai pensé à vous qui nous écoutez. Et je vais vous parler shopping car j'ai trouvé quelques petites pépites qui risqueraient bien de changer ou pas votre quotidien, votre lifestyle. Pronunciation French. Dans ma boîte à gants aujourd'hui, je vous ai sorti trois objets de derrière les fagots. Objet numéro 1, personne n'en rêvait, mais un bouchon de champagne parachute, ça existe. Ok, alors l'objectif c'est que tu le lances en l'air et redescends de façon genre doucement. T'as tout compris. Eh oui, pour faire marrer. Pour faire marrer les collègues ou pourquoi pas draguer la secrétaire du bureau, quoi de tel, quoi de tel que de faire péter les bulles. Attention, abus d'alcool dangereux, je vous le rappelle. Et ça marche réellement, hein, les gars, j'ai testé le bouchon parachutiste plutôt que de s'écraser par terre ou taper dans l'œil de votre collègue, secrétaire, si ça n'est pas déjà fait. Humour, il est fort. Please. Et ben, il atterrit délicatement sur le sol, tel une feuille ou un petit parachutiste. Tu peux même le rattraper dans ta main, ce qui en soit quand même bien plus stylé. Ouais. Le prix, 9,90€. Santé. Ce n'est plus du tout stylé, en fait. Ouais. Oh, effets spéciaux. Fini l'apéro à table, tout le monde. J'ai trouvé encore plus inutile, hein, rassurez-vous. Un enrouleur électronique de spaghetti. Ok. Okay. Génial. Là, j'ai mis un blanc. Là. Génial. J'ai calmé tout le monde. Hein. Marché de niche. Hein. Bon plan si vous... Encore le coq, c'est le retour du coq. Bon plan si vous galérez avec votre fourchette. Tout le monde n'a pas la technique d'enroulage des pattes. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, pourquoi pas impressionner votre future conquête secrétaire sexy à la maison ou au resto, hein, quoique c'est un peu encombrant, voire gênant, hein, de ramener ça au resto. Au pire, vous pourrez faire marrer les gosses avec. Coût de l'opération séduction, 14,90€. C'est, c'est déjà 15€ de trop, hein, je trouve. Ouais. Bon appétit, bien sûr. Et bon appétit. Allez, après avoir mangé, une fois que vous avez bien gavé votre bite de spaghetti, je vous propose mon troisième objet, un pèse personne à clous. Ah oui, ça fait mal. Hein. Véridique, là encore, ça existe. Sûrement destiné à dissuader les personnes de se peser après les fêtes. Hein. On prend toujours quelques kilos. Pardon. Votre partenaire grosseur, en quelque sorte. Bref, encore une belle idée cadeau pour le pot de départ de votre collègue que vous n'aimez pas. On a toujours un pote qui se casse et qu'on n'aimait pas trop. Le genre d'objet aussi inutile que la bière sans alcool ou le café décaféiné. Hein. Vous savez aussi c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui existent. Ils font du thé détox maintenant. Autant dire que c'est de l'eau, quoi. L'eau chaude. Alors, pour conclure, pour rêver un peu plus, vous pouvez retrouver tous ces objets insolites sur cadeauinutile.com. Ça porte tellement bien son nom. Tout simplement. Voilà, je vous invite à aller checker le site. Ok, merci à toi, Bat. Vous en prie. 17h38 sur Sudek Web, vous êtes dans le GPS. Et voilà, on était plusieurs à avoir réagi sur le hashtag GPS. Il y a Donatien qui nous disait, les amis, ma playlist se fait vieille, n'auriez-vous donc pas plusieurs titres à me proposer? Oh, certes. Écoute, on a tout ce qu'il faut. À part la playlist Sudek Web qui est déjà complètement incroyable, je crois qu'on n'a pas besoin de le répéter. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a, les gars? Vous lui conseillez quoi comme titre? Quels sont les titres que vous écoutez en ce moment? Quels sont les titres qui tournent en boucle dans vos oreilles, les gars? Un petit Nakamura? Aya Nakamura, dernier album, ça fonctionne bien. Mais pas que. Moi aussi. Bah, je suis souvent avec Baptiste, donc on écoute les mêmes. Quentin? Le nouveau Drake. Ok, bon, on se contente de ça. Merci. Bonne pièce. Merci à toi, salut, c'est Julie. Attention, grosse annonce. Demain, dès 15h, arrête tout. Mais vraiment tout. Étude branche pour écouter Borderline sur Studek Web. Corentin et Morgane seront avec moi pour une heure de bonne humeur. Et oui Julie, on va décrypter toute l'actu en détente, alors crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Et il y aura aussi le jeu des poupées russes avec des super cadeaux à gagner, sans oublier les infos et tous les hits qui cartonnent en ce moment. Et tout ça, bah qu'une adresse, c'est Studek Web. Studek Web. Studek Web. Studek. This is why I clash up. Studek Web. 100% nouveaux talents. 100% nouveaux talents. Une école, une radio et vous. Tout pile les titres du journal de Studek Soir 7 avec vous, Guillaume Buan. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Au programme de votre Sudex Soir à 18h, les professeurs des écoles et des lycées manifestaient aujourd'hui près de la rue du Bac. Ils revendiquent plus de moyens et dénoncent les nombreuses suppressions de postes. Sur place, les militants jugeaient les 18 mois du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. À la mi-journée, seulement 11,33% des enseignants ont répondu à l'appel des syndicats. Écoutez justement la réaction de ces militants. On a de plus en plus d'élèves qui arrivent dans nos classes, de moins en moins de profs. C'est complètement aberrant. Ensuite, il y a la réforme du lycée qui se prépare, qui est quand même très, très inquiétante. On voit l'urgence et on voit que au contraire de répondre à l'urgence par le gouvernement. Il supprime des postes, il précarise, il veut faire des économies sur notre dos et puis il veut casser toute la valeur, que ce soit celle du statut des fonctionnaires ou que ce soit celle aussi du bac là, avec cette réforme qui va l'individualiser. Anthony Kaczmarek était au cœur de la manifestation. Il reviendra sur les réactions des militants et des syndicalistes. Dans l'actualité également, le procès de la jeune Serena s'est ouvert aujourd'hui. En 2013, la mère de l'enfant de 2 ans avait séquestré sa fille dans sa voiture. Le père a bénéficié d'un non-lieu. Il n'était pas au courant des affaires de sa femme. Théo Laborde reviendra sur cette affaire. Vous entendrez notamment la réaction de l'avocate de l'association Innosos Odin en danger. À l'international, les feux ne se sont toujours pas arrêtés en Californie. Des dizaines de milliers d'hectares sont ravagés. 250 000 personnes ont été évacuées. Et toutes les solutions sont bonnes pour éviter les flammes. Ici, il y a de l'air frais qui arrive de l'océan. À l'intérieur, il y avait tellement de fumée qu'on ne pouvait pas respirer. Claire Pipolo nous fera un bilan de la situation dans ce journal. Un point sur vos conditions météorologiques. Une belle journée ensoleillée vous attend demain. Quelques gouttes de pluie sont à attendre également en Auvergne. L'après-midi, très peu de changements, des conditions optimales. Soleil pour tout le monde. Côté température, comptez entre 12 et 19 degrés. Voilà pour l'essentiel. Rendez-vous à 18h. En attendant, je vous laisse entre de bonnes mains avec Stéphane et toute son équipe pour le GPS. Merci Guillaume. Et puis vous l'avez dit, Studex Soir, c'est à 18h. Studec, l'infotrafic. Et on en profite pour refaire un point sur l'état des routes avec toi, Quentin. Oui, alors d'un point de vue des accidents, on en est toujours dans la même situation. On le rappelle, accident corporel sur la 104, sur le périphérique intérieur de Torcy vers le Collégien. Un véhicule léger impliqué, deux poids lourds également. Les deux voies de droite sont fermées, tout comme la bande d'arrêt d'urgence. Et puis l'accident sur la N104, périphérique intérieur, en direction de Évry. La voie de droite est fermée, tout comme la bande d'arrêt d'urgence. Et puis enfin, 5 véhicules sont en panne. Un poids lourd sur la N118 en direction de la province de Orsay vers les Ulis. Et une voie qui est fermée aussi, celle de droite. La 3 en direction également de la 3 vers la 1. Un poids lourd est en panne, c'est en direction de Paris. La voie est également fermée. Un véhicule léger est en panne sur la 86 extérieure, direction Bobigny sur l'échangeur. Un poids lourd est également en panne sur la 6B, direction la province. Et un autre sur la 104, direction l'intérieur. Et puis enfin, il y a des gros ralentissements qui ont lieu sur la 6B du côté de la porte d'Italie et sur le périphérique intérieur. Et de gros bouchons sont présents sur l'échangeur entre la 86 et la 3 en direction de la province. On estime à peu près 220 km de bouchons sur l'Île-de-France. Merci à toi, Quentin. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Toujours les mêmes rires. 17h43 sur Studec Web. Je crois que Bilal, tu nous donnes le dernier indice pour venir jouer avec nous, pour venir jouer à ce jeu de la marche arrière. Je vais vous rappeler rapidement les quatre. Les trois premiers ? L'avant-dernier. Ouais, faisons ça. Voilà. Donc le troisième, on avait dit, c'était un indice plutôt glauque. C'était la pendaison de Saddam Hussein le 30 décembre. Un événement au final comme un autre. Le quatrième et dernier indice, ça, c'est un tube qui était en top chart en France. On va écouter tout de suite, c'est Faf la rage avec J'ai pas le temps. Ok, tu aurais tout droit du générique de Prison Break. En quelle année c'est à vous de nous le dire, hein. Bien évidemment. Pas le temps de Faf la rage sur cette déco, bienvenue. Viens effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au gré du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière, un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux? J'ai pas le temps. S'éteindre, seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des bris L'homme libre me dicte ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué. Même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas de choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés. Je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma peine dis-leur que j'ai pas le temps. En Paris contre le sort, ouais. Et si les jeux sont faits, y'aura pas de remords. Laissez-la retourner, j'apprends à vivre, yeah. À être libre, rester lucide, yeah. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers, Et à chaque bouffée d'air, J'opère comme si c'était la dernière. N'aura pas de rédemption à venir. La volonté, la clé de la réussite. Si je dois exceller, tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu. Et si le sort est contre moi, c'est tant pis. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit mis ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas s'en sortir. Y aura-t-il une saison 6? Les acteurs ont l'air de le vouloir, pas la production. C'était le dernier indice qu'on pouvait vous donner pour jouer au jeu de la marche arrière et de remporter votre visite ici de Sudekweb. Pas le temps de faflarage sur Sudekweb. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur Sudekweb. Chaque semaine, il a 2 minutes pour nous sortir les infos qui, pour une fois, donnent le sourire. Ça change un petit peu du taf de journaliste. Hein. Quentin, notre pote de la rédaction, est allé chercher les meilleures infos autour du globe dans le 24 heures sur la planète. Oui, alors... Déjà, j'ai une première info qui peut être pas mal. Aux Pays-Bas, il y a un sexagénaire qui se dit discriminé et qui exige que son âge légal soit rejeuni de 20 ans. Okay. Il s'appelle Emile Rattleband, il a 69 ans, il est mécontent d'être à la retraite et il se dit victime de la discrimination sur le marché de l'emploi et aussi en amour à cause de son âge. Alors du coup, il a demandé à la justice de le rajeunir de 20 ans. C'est un père de famille qui est célibataire, qui est coach personnel spécialisé dans le développement de la conscience de soi. Alors selon son médecin, l'âge biologique de ce jeune homme, je vais l'appeler comme ça, il se situe entre 40 et 45 ans. L'âge biologique, ça veut dire que techniquement, de façon naturelle et scientifique, il a 40 ans. Voilà. Ok. C'est ça. Mais sur ses papiers, il en a 60. C'est ça. Et physiquement, il a 60, 70. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ok. Si on ne comprend pas, c'est normal. Quel serait votre âge légal, selon vous ? Waouh, je crois que j'aimerais bien rester à 12 ans, moi, ça m'allait, moi, 12 ans, la vie était simple. Ouais, on te paye tout, t'as de l'argent de poche, ouais, t'as pas de contraintes, non, t'es relax. 18 ? 18, 18 hein. C'est ma meilleure année, peut-être. Avec les filles, peut-être. Des trucs. Ouais, nostalgie. Il a vécu des trucs. Ensuite, on part du côté de l'Italie maintenant avec cette grande foire à la truffe blanche qui se déroule pendant 2 mois et qui s'effectue depuis 88 ans. Alors cette année, c'était la 19e aux enchères mondiales qui a été organisée à Alba, près de Turin. Ça a donné lieu à un record, il y a une truffe blanche de 850 grammes qui a été adjugée pour 85 000 euros. Ça fait 100 euros le gramme. 85 000 euros ? Ça en fait de la belle truffe. Wow. L'année dernière, il y a une truffe du même poids qui a été vendue à 75 000. La vente, elle s'est déroulée en liaison avec Hong Kong, où se trouvait justement l'acquéreur du produit. Alors, qu'est-ce que vous feriez avec 85 000 euros ? Parce que mine de rien, on peut en faire des choses. Bah écoute, 85 déjà, 000 euros... je ne pas une truffe. Je crois que je ferais mieux que de venir visiter les studios de Sudekweb, parce que c'est ça qu'on va faire maintenant. Merci à toi en tout cas, Quentin. 17h50, l'heure de jouer sur Sudekweb, je vous le disais. Qui est-ce qu'on accueille au téléphone, mon Bilal ? Écoute, on a Gwendal. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Sudekweb. Ah voilà, j'étais trop pressé en fait. Ah, c'est trop pressé de faire gagner les gens. Non, on a Gwendal de Nantes. Allô Gwendal. Allô, allô. From Nantes. Alors, salut Gwendal. Salut Gwendal, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien et vous? Bah, oh, écoute, il est en forme. Il est chaud. Il est plus en forme que nous, j'ai l'impression. Tu fais quoi dans la vie, Gwendal? Dans la vie, je suis agriculteur. Je fais des céréales. Ah, je fais du blé, de l'orge, cool. Du colza, tout ça. Ah, c'est vrai que c'est beau, la région de Nantes aussi. Hein. Ouais. Il fait beau ou quoi, Gwendal? Oui, ouais, non, pas trop en ce moment. Il pleut, c'est comme partout en France. Il pleut. C'est l'hiver, il fait froid en plus, alors. Pas de saison pour les récoltes. Ouais, c'est un peu partout pareil. Et écoute, Gwendal, est-ce que t'as besoin que je te refasse écouter les indices ou pas? Je veux bien. Tu veux bien? Ouais. Eh ben, premier indice. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Bon, faut arrêter avec cet indice. Ah hein, ouais, ouais. Il commence à devenir chiant. Après, le deuxième indice, c'était la sortie de l'application Twitter. C'était le 21 mars. Okay. D'accord. Ensuite, on avait comme troisième indice la pendaison de Saddam Hussein le 30 décembre. Et le quatrième indice, le c'était Faflarge. Ouais, donc, est-ce que tu as une idée de l'année dont on essaie de faire deviner depuis tout à l'heure? Alors, il me semble que c'est 2006. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et yeah, c'est gagné. Bravo, Gwen, hein. Ouais, bravo, Gwendal. Excellent. Hey, donc, tu sais très bien ce que t'as gagné? Dites-moi. Ah, ça écoute, la visite des studios. Tu pourras rencontrer Stéphane, Baptiste, Quentin. Ah, c'est cool, ça. Et tous les cool. autres. Hein. Et tu sais quoi, Gwen? On te rajoute un pins lumineux. Merci. On va prendre tes infos, Gwendal. Tu bouges pas en écoutant une nouveauté Studekweb. Voilà, c'est un jeune artiste qui vient de rentrer en playlist. On n'en sait pas encore beaucoup sur lui, mais dès que ce sera le cas, on manquera pas de vous tenir informé. Pardon. Nola sur Studekweb. Un voyage sans fin. Paraît qu'il n'y a pas d'amour sans folie, alors on verra bien. Je revois encore nos nuits, l'odeur de ton absence. Je te rattraperai si tu fuis, si tu changes de sens. Let me love you. Let me love you. On ira. Le regard d'un enfant dans tes yeux de pluie. Tu sais, j'ai beau faire semblant, j'ai peur aussi. Je revois nos lendemains au son de ta voix. Si tu changes de chemin, moi je viens avec toi. Let me love you. Let me love you. On ira. Quand tu me fuis, si tu pars, moi je ne suis plus que l'ombre de mes nuits. Et si tu pars, moi je te suis. Quand tu t'égares, quand tu me fuis, si tu pars, moi je ne suis plus que l'ombre de mes nuits. L'heure de bientôt se quitter l'équipe, mais avant ça j'avais envie de jouer avec vous. Du coup, nous voilà dans l'intersection. Et les gars, je vais vous demander de vous écarter les uns des autres, puisqu'à partir de maintenant, il n'y a plus une seule et même équipe, mais bien deux. Bat et Bilal d'un côté et Quentin, notre ami de la rédac de Studio des Quoi. Il n'y a plus d'amitié, Quentin, c'est fini. Priorité à droite. Mettez les journalistes à part. Voilà. Violent. Non mais d'un côté, t'es censé voir trois animateurs, vois plutôt ça comme un compliment. Et tu nous prends pour des blaireaux en fait, nous. Voilà. Voilà. De toute façon, je m'en suis jamais caché. Une question par équipe, les amis. Pour chaque question, je vous donne deux choix de réponse. Si vous avez bon partout, ça va être embêtant côté timing, mais on va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Première question, les gars, je la pose à Bat et Bilal. On voit souvent dans les films américains des braquages où l'objectif c'est de repartir avec un fourgon rempli de lingots d'or. Ouais. On l'a tous déjà vu. C'est en fait pas très réaliste parce que les lingots pèsent quand même bien plus lourd qu'ils en ont l'air. Combien selon vous? 12 kilos ou 5 kilos? Non. Ouais, je pars sur un 5. Moi, non. Je pars en 12. Ouais, il faut qu'on soit d'accord. Tu vois. Moi, je sais. Eh ben, moi, on coupe la poire en 2, 5, 12, 7 kilos. Allez, 12. 12. Allez, 12 kilos, c'est exactement ça, les gars. Je vous dis déjà bravo pour la première je suis bonne réponse. En braquage quand même. Facile, facile, facile. 4 kilos, les amis. Alors que 1 kilo d'or tient dans un œuf de poule. Voilà, vous pourrez la ressortir celle-là. Ça ne mange pas de pain. Vivement Pâques. Quentin, j'ai une autre question pour toi. J'ai même une première question pour toi. One Piece, est-ce que tu connais le manga ? De nom. Ok, bah voilà. C'est le manga le plus distribué au monde depuis sa création il y a de ça 21 ans. De combien de millions de ventes tu penses qu'on parle depuis la création ? 350 millions en 21 ans ou 440 millions ? 440. 440 millions ? Écoute, c'est la bonne réponse. Oh, merci Jean-Pierre. Je te dis bravo. Football, et les gars, ball, pour finir, je vais vous poser une seule et dernière question qui sera un petit peu la belle. Ça joue tous les trois là. Hein. Ouais. Voilà. En mai 2018, Lalo Nyes, je ne saurais pas vous lui dire, vraiment lui dire son nom, réalisait la toute première transaction à l'aide du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie qu'on connaît tous aujourd'hui. Il proposa 10 000 Bitcoins pour se faire livrer deux pizzas ou acheter un jeu vidéo. Les pizzas. Les pizzas. Je te fais confiance, si tu connais plus que moi en Bitcoin. Les pizzas. Eh ben écoutez, vous avez tous bon à chaque fois. La vie est belle. L'équivalent de 10 millions d'euros, les amis, c'est aujourd'hui incroyable. Pour ces deux pizzas. J'espère qu'il les a savourés. La pâte est bonne. Écoutez, nous, en tout cas, on a bien savouré cette heure. Le GPS, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la même heure, 17h, 18h. Merci à la technique. Tout de suite, Wake Me Up Before You Go. Retour en 84 sur Sudekweb. Turn the bright spark into a flame. My beats burn.